sal par aimé. C'est tout sal que c'est tout sal à gagner. Dis toujours paraître belle pour leur ouvrir l'argent. On sal capable de courager leur ou pas gagner. Toujours paraît belle, leur ou bien l'argent, on s'en capable de tout gagner, leur ou pas gagner. Et toujours paraît belle, leur ou bien l'argent, on s'en capable de tout gagner, leur ou pas gagner. Belle méthode. What's up?